Il était entré. La concierge le rappela en lui criant « Avez-vous une permission ?»« Pourquoi ?»« Pour visiter l'établissement. » Frédéric, d'un ton brutal, dit qu'il venait voir M. Arnoux. « Qu'est-ce que c'est que ce M. Arnoux ?»« Ben le chef, le maître, le propriétaire enfin. »« Non, monsieur, c'est ici la fabrique de M. Leboeuf et Millier. » La bonne femme plaisantait sans doute. Des ouvriers arrivaient. Il en aborda deux ou trois. Leur réponse fut la même. Frédéric sortit de la cour en chancelant comme un homme ivre, et il avait l'air tellement ahuri que sur le pont de la boucherie, un bourgeois, en train de fumer sa pipe, lui demanda s'il cherchait quelque chose. Celui-là connaissait la manufacture d'Arnous. Elle était située à Montataire. Frédéric s'enquit d'une voiture. On n'en trouvait qu'à la gare. Il y retourna. Une calèche disloquée, attelée d'un vieux cheval dont les harnais décousus pendaient dans les brancards, stationnait devant le bureau des bagages, solitairement. Un gamin s'offrit à découvrir, entre guillemets, le père Pilon. Il revint au bout de 10 minutes. Le père Pilon déjeunait. Frédéric, n'y tenant plus, partit. Mais la barrière du passage était close. Il fallut attendre que deux convois eussent défilé. Enfin, il se précipita dans la campagne. La verdure monotone la faisait ressembler à un immense tapis de billard. Des scories de fer étaient rangées sur les deux bords de la route comme des mètres de cailloux. Un peu plus loin, des cheminées d'usine fumaient les unes près des autres. En face de lui se dressait, sur une colline ronde, un petit château à tourelles avec le clocher quadrangulaire d'une église. De longs murs, en dessous, formaient des lignes irrégulières parmi les arbres. Et, tout en bas, les maisons du village s'étendaient. Elles sont à un seul étage, avec des escaliers de 3 marches, faites de blocs sans ciment. On entendait, par intervalles, la sonnette d'un épicier. Des pas lourds s'enfonçaient dans la boue noire et une pluie fine tombait, coupant de 1000 hachures le ciel pâle. Frédéric suivit le milieu du pavé, puis il rencontra sur sa gauche, à l'entrée d'un chemin, un grand arc de bois qui portait, écrit en lettres d'or, « Faïence ».